La saison de golf s'en vient à très grands pas. Il y a une nouvelle tarification le club de golf de Saint-Prime a lancé une nouvelle tarification et une nouvelle grille et également de nouveaux forfaits pour leurs usagers. Question d'en savoir davantage. On parle avec Gilles Larouche, le directeur général du club de golf de Saint-Prime. Salut Gilles. Bon matin. Gilles, effectivement, habituellement, je pense que même l'année passée, vous étiez ouvert, hein, à pareille date. Donc, c'est sûr que là, on va commencer un petit peu plus tard. Oui, effectivement, Dame Nature est un petit peu capricieuse. Ouais. Mais avec la neige, ben, malgré le fait que les températures sont pas tellement chaudes, la neige baisse tranquillement. Puis on s'attend des alentours du 10 ou 12 mai de pouvoir débuter la saison. C'est quand même un mois en retard, hein, parce que l'année passée, il y a une semaine que vous avez commencé le 15 avril, il y a une année, je veux dire. Oui, c'est il y a 2 ans. On a commencé le 17 avril. Okay. L'an dernier, on a commencé le 11 mai. Ah, OK. Fait que ça ressemble pas mal à... Okay. Oui, on est pas mal dans nos dates. OK. Et là, vous avez lancé une nouvelle grille de tarifs et des nouveaux forfaits pour les différents usagers. Définitivement, cette année, à chaque année, on tente d'innover. Disons que nos prix avaient été, n'avaient pas augmenté dans les 2 dernières années. Mais si on se souvient, auparavant, les membres avaient eu de fortes augmentations pour pouvoir permettre la survie du club. Okay. Actuellement, je fais un petit parallèle, c'est qu'on a vendu plusieurs terrains. Ouais. Notre développement va très bien. Alors, c'est une année de renouveau, si on veut, pour le club de golf de Saint-Prime. Alors, afin de soulager et d'augmenter surtout le membership, on veut accroître, disons, la fréquentation du terrain. On a baissé nos prix de 100 $ cette année pour toutes les membres, les membres actuels, c'est-à-dire les membres illimités. Alors, ils passent de 1 450 $ à 1 430 $ à 1 330 $. Okay. On a également 25 parties pour les gens qui veulent jouer au golf. 25 parties, mais cette année, ils vont être membres. Okay. Ça leur permet d'avoir de participer aux activités du club puis avoir différents rabais. Alors, ce tarif-là est de 880 $. Ça comprend les taxes. On a le membre qui est 40 ans et moins. On a baissé à 750 $. Et pour le 41 ans et plus, ça va être 800 $. Donc, ça baisse d'à peu près quoi, 15 à 20% à peu près, c'est la grille, c'est ça? Je te dirais près de 20-22%. Hey, c'est très bon, là. Mais ce qu'on vit, c'est la masse. OK, okay. On est actuellement, on est parti de 125, on a monté à 135. L'an dernier, c'était stagnant, on n'a pas eu d'augmentation. Et cette année, nous, aller chercher de se rendre à 150 membres, ce serait une belle réussite pour nous, pour cette, comme je disais tout à l'heure, là, cette année de renouveau. OK. Là, c'est bien beau baisser les prix, mais j'imagine aussi qu'il y a différentes stratégies qui vont être adoptées. Alors, j'imagine qu'on va approcher les organismes, on va approcher peut-être les clubs d'âge d'or, la jeunesse. C'est quoi vous allez faire là-dessus, là? Oui, la municipalité également. Un peu ce que tu as dit, on l'a dans nos cibles. Les villes qui sont avoisinantes, on se parle de Robertval, on se parle de Saint-Prime, on parle également de Mastoyats et de Saint-Félicien. On est en communication avec les services des loisirs. On a des rencontres au niveau, que ce soit au niveau politique ou autre, pour qu'on puisse travailler ensemble. Et nous, ce qu'on veut offrir, c'est que dans l'après-midi, dans tous les clubs de golf, c'est un peu moins achalandé. Alors, de développer des camps de jeunes, que ce soit avec des aînés, des chevaliers de colons ou autres, on a de l'espace pour eux, puis on veut créer une dynamique, puis on veut vraiment que cette année, on est en progression à ce niveau-là, mais le club de golf, c'est le club de golf des gens qui nous visitent. Ah, OK. Ben oui, c'est clair. Alors, on ouvre nos horizons à d'autres perspectives de revenus et d'achalandage. OK. Est-ce que vous avez revendu d'autres terrains? Ben, actuellement, je te dirais que ça va très bien. On est très satisfait. Il en reste 6 à vendre. Okay. Alors, de part, on en avait 18. On en a vendu 12. Il en reste plus du côté golf. Il en reste sur le lac. Et je te dirais que depuis que la neige a commencé à disparaître tranquillement puis les chaleurs arrivaient, c'est que là, le téléphone sonne de plus en plus. Il y a des gens qui vont venir visiter très bientôt. Alors, ça s'annonce très, très bien. OK. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment... Puis, est-ce qu'il va y avoir plus de tournois? J'imagine que votre grille horaire est déjà choisie pour cette année également. Oui. Disons que les tournois, on affiche pratiquement complet. Parce qu'on veut pas, on veut laisser de l'espace aussi pour le joueur journalier, pour nos membres. Et on va avoir différentes activités parce que dès les premiers jours de l'ouverture, les gens vont pouvoir aller sur le nouveau parcours. On a 18 nouveaux trous. C'est vraiment cette année là, on a terminé nos travaux. On vient de terminer, je te dirais, en janvier. Au niveau des travaux, l'installation des ponts, il va nous rester quelques arbres à planter. Et cette année, la cible, c'est vraiment le côté esthétique. Les verres, les fosses de sable, on a même acheté de la machinerie nouvelle pour avoir des verres d'une très grande qualité parce que l'an prochain, on sait qu'on a un rendez-vous qui nous attend, c'est le championnat junior provincial 2018. Ben oui, ça c'est déjà commencé, on est déjà dans une grande préparation là. Ben, on a reçu les cahiers de charges, on travaille à ce niveau-là. OK. Autre chose à ajouter peut-être pour la prochaine année? Ben, la prochaine année, on invite monsieur et madame tout le monde. Venez redécouvrir le club de golf de Saint-Prime. Ben oui. C'est une place qui est accueillante avec un personnel qui est tout à fait extraordinaire. OK. Donc, Gilles, on s'en reparle très, très bientôt. Oui, Danny. Le directeur général du club de golf de Saint-Prime sur le lac Saint-Jean, Gilles Larouche.